Reprise du sport qui a été organisée par Isaac Pépin, un jeune de la région de Québec. On espère avoir beaucoup de monde. Quoi qu'il en soit, on va parler un peu comment ça va jusqu'à maintenant. La dernière fois, il a parlé, c'est la semaine dernière, avec le père d'Isaac, Stéphane Pépin. Bonsoir, M. Pépin. Bonsoir, bonsoir, M. Layeux. M. Pépin, on s'est parlé lundi dernier. Il y a eu pas mal de développements. J'ai vu passer plusieurs appuis. C'est pas mal de fun d'avoir des Simon Gagné, des Jonathan Marchessault, des Philippe Boucher, des anciens athlètes, sûrement Patrice Bergeron, ça va venir aussi. C'est pas mal le fun d'avoir que des jeunes, des anciens joueurs de hockey appuient votre cause. Il y a même des hockeyeurs actifs, là. Oui, puis on est très heureux de ça. Je vais quand même vous donner un scoop ou deux à soir là, qui vont sortir... Okay. Mercredi, vous allez avoir Marc Fortier, l'ancien joueur des Nordiques, qui va faire commit ce soir. Après ça, on a eu l'approbation de l'Association gymnastique du Québec qui appuie la cause avec Isaac Pépin. Ouais. Et pendant qu'on se parle, dans à peu près une demi-heure, le plus grand skieur planchiste au monde, Michael Kingsbury, fait commit. A fait une belle lettre à Isaac. Et en plus, M. Kingsbury a envoyé une lettre personnelle à notre premier ministre, M. Legault. Ah, c'est bon. Ça veut Est-ce dire qu'il que va l'écouter? Ça, c'est une autre affaire. Ouais. Là, ça, c'est politique. Ça, je peux pas répondre à ça parce que nous, il n'y a rien de politique dans notre cause. Non. Je sais qu'il a reçu la lettre. C'est le fun d'avoir Patrick, hein? Patrick Roy qui parle. Me semble que ça fesserait dans le mythe pas mal d'avoir Patrick Roy qui appuierait Isaac. Oui, mais il faut que les gens comprennent que il y a beaucoup de personnalités qui nous ont écrit personnellement qui peuvent pas faire commit ou qui peuvent pas prendre un engagement officiel parce que ça touche la politique. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'organismes qui reçoivent des subventions du gouvernement. Il y a beaucoup d'athlètes professionnels qui reçoivent des subventions. Alors, c'est peut-être préférable, puis je les comprends d'un sens, qu'ils peuvent pas s'afficher publiquement pour perdre des subventions ou ces choses-là. C'est préférable, mais à un moment donné, il va falloir... regarde, je veux pas vous embarquer là-dedans, c'est une opinion bien personnelle, là, mais il va falloir qu'à un moment donné, qu'il y ait du monde qui prenne des risques. Si tout le monde a peur, il n'y a personne, il n'y a rien qui va bouger, là. Mais vous comprenez, je vous dirais que dimanche le 7, beaucoup de gens vont prendre les taureaux par les cornes, puis ils vont venir appuyer. OK. Comment après ça, qu'est-ce que depuis la dernière fois que qu'on s'est parlé, l'organisation, est-ce que les jeunes également ont contacté Isaac? Est-ce que vous attendez d'avoir beaucoup, beaucoup de jeunes? C'est énorme. Tous les gens, autant grand-père, grand-mère, papa, maman, puis des jeunes athlètes de partout dans la province qui nous ont écrit. Il y a beaucoup d'autobus qui se sont organisés pour la Beauce, Repentigny, Montréal, Sherbrooke, Victoriaville. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de monde? Je vous confirme que oui. De vous donner un chiffre, c'est impossible. Mais il a fallu changer la procédure de la marche pour le site parce que, vu l'attente des gens qui doivent venir, alors on a décidé de commencer la marche à midi au lieu de 13 heures. Okay. La marche va débuter devant la fontaine, devant le Parlement. Puis c'est une boucle de 2,2 kilomètres, ce qui veut dire qu'on part de la fontaine. On s'en va prendre René Lévesque, on monte jusqu'au Grand Théâtre. Au Grand Théâtre, on vire pour aller reprendre la Grande Allée. On va marcher devant la Grande Allée au complet, devant le Parc de la Francophonie, puis on revient devant le Parlement, ce qui va donner 2,2 kilomètres. Puis les gens sont invités à le faire une fois, deux fois, trois fois. Aussi, une primeur que je peux vous donner, que personne ne sait encore, on a réussi à avoir un DJ international. OK, c'est bon ça. Qui vient de Toronto, qui appuie les jeunes. Alors, c'est lui qui va mettre la musique devant le Parlement. Alors, ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. Il faut comprendre que la marche, c'est très important que ce soit sanitaire. On veut, mon fils veut absolument pas que les gens se collent, qu'il n'y ait pas de masque. C'est important de suivre les règles. Parce qu'ils attendent juste après ça, hein? Et... Oui, puis les jeunes, ça fait un an qu'ils sont résolus à l'autorité de la règle. Et c'est pas dimanche que les jeunes vont faire des folies et des bêtises. Tout le monde est conscient que la COVID, ça existe. Alors, faut être sécuritaire. Puis, on demande à tout le monde de participer en grand nombre, mais toujours en respectant les règles sanitaires. Ça, c'est très important. OK. Donc, deux points. Donc, j'imagine qu'il va y avoir des discours aussi, j'imagine aussi. Oui, il va y avoir les personnalités là qui ont fait... c'est sûr, comme Jonathan Marchessault, il est présentement en train de jouer au hockey. Mais Simon Gagné va parler. M. Gabriel Hardy, qui est le président des gyms Fédération des gyms du Québec. Éric Martel, le boxeur. Ouais. Il va y avoir d'autres personnalités qu'on ne veut pas divulguer là que la surprise va se faire le dimanche. Vers 13h30, on a deux personnalités très, très, très importantes qui vont prendre la parole. Puis en même temps, mais RDI et TVA vont être live pendant 1h30 de temps dans leurs chaînes respectives. Puis on a décidé d'innover en 2021. Tous les gens qui pourront pas être présents, mais on appelle ça Facebook Live. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir de 13h, le Facebook Live va être sur notre site La Marche. Et tous les gens de la province de Québec qui ne peuvent malheureusement se déplacer pour venir à l'activité pourront suivre en Facebook la marche, les discours, les personnalités qui appuient. Puis Isaac qui va faire un commentaire aussi, là, qui va expliquer les nouvelles procédures, parce que faut comprendre que même après la marche, il y a de la continuité. Ouais, la marche n'est pas la fin de la boucle. Pour les jeunes. Mm-hmm. La marche est simplement pour qu'on démontre que les jeunes athlètes se tiennent et qu'ils vont continuer leur bonne démarche, toujours en restant respectueux et polis, à faire comprendre au gouvernement que dans chaque problématique, il y a une solution, puis eux veulent faire partie de la solution. Mm. Alors, il faudrait que les gens prennent le temps de les écouter, ce qu'ils ont à dire. Puis on va souhaiter qu'après la marche, qu'on ait les meilleures nouvelles pour redonner un sourire puis des yeux pétillants à nos jeunes athlètes de la province de Québec. Est-ce qu'il est nerveux, Isaac? Ça doit l'énerver un peu. Il a quand même 16 ans. Là. C'est quelque chose, là, prendre la foule devant prendre la parole devant peut-être... 10, 15, 20 000 personnes, 25 000 personnes, puis de ce que j'ai pu voir, ça semble un gars assez réservé. Ça l'énerve-tu non. un peu? Non, aucunement, parce que, comme qui me dit, il n'y a pas de gêne à dire la vérité. Ben non, c'est sûr. Alors, pour lui, quand même, qui aurait 100 000 personnes, de répéter son discours, qui peut parler devant 300, 400 000 auditeurs, il n'est pas plus nerveux, parce que ce qu'il dit, c'est ce qu'il a vécu. C'est ce qu'il croit, puis il voit au futur. C'est pas comme quelqu'un qui va prendre la parole, qui a inventé un scénario, puis qui va essayer de faire du capital politique. Isaac est d'un, on nommerait pas son nom, puis ça le dérangerait pas. Il fait pas ça, puis tu sais, comme là, il est en semaine de relâche, il fait des activités dehors, tranquille, puis c'est pas le petit gars qui est allé à l'école la semaine passée, puis qu'il avait les deux bras dans les airs, puis que non, Isaac, il rentre la tête par en bas. Les gens qui vont aller le voir, il va les saluer, il va les écouter. Je pense que mon fils, il a une vieille âme. Il prend le temps d'écouter, puis non, c'est sûr qu'il va sûrement être nerveux. Ouais. Tout dépendamment le nombre de monde qu'il va y avoir, puis d'entendre son nom, puis que le monde crie, puis qu'il s'applaudit. J'ai 50 ans, puis même une... Oui, il va être nerveux, mais il va faire le job qu'il veut jusqu'au bout. Puis il n'y a pas personne qui l'a poussé là-dedans. Là. Ça veut non, dire non, que. Non, non, quand... il y a du monde qui ont dit, qui vous ont entendu à Radio X, puis ils ont dit le père a l'air à vouloir plus que le que le fils. Moi, j'ai répondu là-dessus. J'ai dit, si le père a reçu, quand son fils dit j'ai le mal de vivre, peut-être que moi aussi, je voudrais peut-être plus que le fils aussi. Oui, puis de toute manière, moi, ce que les gens comprennent, là, que ça a commencé le 25 septembre, j'étais pas au courant, puis la lettre que mon fils a écrite, je l'ai appris une heure après qu'il l'ait propagé sur les réseaux sociaux. Alors, puis j'ai honnêtement, j'ai pas besoin de ça pour vivre. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. On est rendu que on dort pratiquement plus parce que c'est des demandes de partout. Est-ce que vous avez eu des... je rêve-tu, mais il me semble que ça a pas spiné... À part Radio X, ça a pas spiné beaucoup dans les médias. Est-ce que je me trompe? Ben, je vous dirais, Radio-Canada n'en parle. OK. Après ça, TVA n'en parle. Ouais. Le FM 93 à Québec n'en parle énormément tous les jours. Okay. Le 93 à Rimouski, Isaac a fait une entrevue. Okay. Isaac a fait une entrevue anglophone avec toutes les pour le secteur anglophone. Donc je me trompe, excusez-moi là. C'est non, mais vous vous trompez pas. On en fait des entrevues avec vous. On en a fait à midi avec le 96.9 à Lévis. Okay. Mais je veux dire, est-ce que c'est tout le monde qui appuie la cause? Je le sais pas. Mais le but premier, c'est de propager que les jeunes ont besoin. Puis moi, avant cet événement-là, on me connaît pas. Je suis pas celui qui va à la TV par radio. Mm. Puis j'ai une femme puis des enfants à m'occuper. Puis une entreprise. Ouais. Puis une entreprise à gérer. Ouais. Puis j'ai pas besoin de capital politique. Ouais. Puis espérons que cet événement-là va nous avoir fait grandir la famille, mais qu'on n'aura plus besoin de retourner. On va pouvoir commencer à penser à notre retraite, puis les cheveux blancs, puis à marcher tranquillement. Deux choses. Demain, 17h, conférence de presse du premier ministre. Normalement, quand il y a une conférence de presse du premier ministre à 17h, c'est qu'il y a des grosses annonces. Pensez-vous qu'il peut arriver puis dire « on vous donne le sport finalement juste pour casser la manifestation » Et si oui, il faudrait que ça se fasse sans condition, pas d'histoire, ben, comme un peu comme il est arrivé au mois de septembre. Si ça va bien dans deux semaines, on va vous donner le sport. C'est facile de répondre à votre question. Demain soir, effectivement, qu'il va sûrement annoncer quelque chose. Oui. Par contre, comme Isaac a fait mention, le 25 septembre 2020, il avait fait une promesse, elle a duré 48 heures. Ouais. Et M. Legault avait fait des promesses en décembre quand on reviendrait de Noël. Il s'est rien passé. Alors, ce que M. Legault va annoncer demain, je vous confirme que la marche du 7 mars à midi peu importe aura lieu. Peu importe l'annonce. Le but premier de cette marche-là, c'est que les jeunes veulent se faire entendre. Alors, la nouvelle qui arrivera, les jeunes veulent se faire entendre une fois pour toutes et ils vont démontrer à la population qu'ils sont capables d'aller s'exprimer puis qu'on les écoute. Bravo. Le but de la marche, c'est ça. Alors, cette marche-là, elle ne sera jamais cancellée. Okay. Tout est prêt. Puis on va aller de l'avant. Ben, bravo. Dernière question. Il y a eu des rumeurs, puis ça, c'est pas une des rumeurs. Dominique Morin, c'est un gars très, très solide et très sérieux. Hier, il a mentionné sur les ondes de Radio X qu'il y avait trois sources qui disaient que les fédérations sportives avaient de l'intimidation de ne pas participer à la marche de dimanche sous peine de couper son financement. Comment vous réagissez face à ça? Moi, je trouve ça c'est dégueulasse que le gouvernement travaille par en arrière pour une belle initiative d'un jeune de 16 ans. Mais ça, pour moi, je suis pas capable de répondre parce que je suis pas au courant. On entend des rumeurs, mais la vérité absolue, je ne l'ai pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je suis pas capable de vous le dire. Il y a des gens qui sont... Par contre, je trouve les fédérations très, très silencieuses. Et c'est pas normal. Moi, c'est mon opinion, c'est pas vous, là. C'est mon opinion personnelle. Là. Silencieuse. Il faut comprendre qu'il y a une partie politique là-dedans. Ouais. Mais nous, pas nous, mais Isaac, c'est pas un politicien. Ça veut dire que c'est très... Moi, je peux pas vous dire si le ministère a fait des pressions ou pas. Puis, tu sais, honnêtement, je veux pas me prononcer là-dedans. On veut pas embarquer là-dedans. Nous, on le dit depuis le début, la marche, il n'y a pas de politicien. La marche, il n'y a pas de compétition de radio. Mm. La marche, c'est les parents qui prennent 3 heures, qui pensent avec le cœur de voir leurs enfants, que ça fait un an qu'ils manquent d'air. C'est bien correct demain. Ben, on va être là, on va faire 4 heures de route, on va être là dimanche, oui, puis, normalement. J'espère que vous allez être là, puis vos auditeurs aussi, M. Veilleux. Oui, je vais être là. Quand vous venez, là, vous venez me voir, que je vous dise un beau salut à 2 mètres, puis sûrement qu'après la marche, le lundi, ben Isaac, je pense que ça va lui faire plaisir de vous remercier. Ouais. Puis c'est tout en votre honneur d'appuyer cette démarche-là pour les jeunes. Puis je veux vous remercier 1000 fois, M. Veilleux. On est une station de radio de sport et qui fait des podcasts de sport. S'il n'y a plus de sportifs, on n'est plus capable de faire de sport, hein? Ça, vous avez raison, mais on apprécie énormément que vous preniez du temps pour en discuter avec vos auditeurs. Puis on invite les gens de votre coin de venir, 3-4 heures d'auto, mais 3-4 heures d'auto pour un an de souffrance pour les jeunes, c'est pas beaucoup. Ils méritent ça. Ben, merci beaucoup, puis on se reparle dimanche. Vous êtes aimable. Donc merci voilà, beaucoup. Stéphane Pépin, le père d'Isaac Pépin.